Section 10, quatrième partie. Suite. Septembre, qui s'ouvrait à peine, me paraissait déjà près de finir. Un à un, les jours nous laissaient comme des gardiens infidèles. L'octobre approchant les mettait en fuite, et chacun d'eux tombait comme un obstacle de moins entre mon bonheur et la rentrée que je redoutais. J'en vins à vivre dans une agitation pénible qui, la nuit, me faisait de nouveau parler haut, crier des noms d'élèves, et révélait à Seconde qui m'entendait toute l'étendue de mon angoisse. Je ne souhaitais revoir ni Daunis ni Charlot, et je ne pensais pas qu'il me fût possible de me retrouver en face de Bereng ou de Rupert. Leur visage évoqué me causait une aversion sans borne. De plus, le retour en classe marquait pour moi la reprise d'une vie machinale et enfermée, dont la seule idée m'atterrait. Je revoyais le dortoir, le lever aux lumières, l'étude somnolente de l'aube, l'interminable étude du soir, les récréations tumultueuses où je n'avais nulle part, l'hostilité des derniers jours, la tyrannie des forts et ma docilité à l'admettre. Tout cela, dans mon rêve, prenait figure, formait autour de moi une ronde fantastique qui allait se resserrant. Je ne comprenais pas comment j'avais pu vivre cette existence, et tout me semblait préférable à la nécessité de la supporter à nouveau. J'en éprouvais tant d'effroi que je m'en ouvris à ma mère. Elle répondit avec calme et tristesse à ce qu'elle nommait mes caprices d'enfant gâté. Je me sentis désarmé contre le sort, et je tombais dans l'abattement. Le moment des vendanges arrivant, ma tante se trouvait fort occupée et conférait sans cesse avec Gentil. Ma mère semblait s'éloigner et vivait de plus en plus près de mon père, à qui sa présence devenait nécessaire à toute heure du jour. Seconde eut seule pitié de ma tristesse et tenta de me réconforter. Elle achevait la besogne des confitures, il lui arrivait de s'installer dehors avec le chaudron de cuivre dans lequel elle jetait les fruits qu'elle pelait et coupait en quatre. Je m'asseyais près d'elle et les lui faisais passer un à un. Les coins énormes laissaient à mes doigts leur duvet et une senteur âcre. Tout en les épluchant, Seconde me contait l'histoire paysanne de Jean le Sot et de son âne, ou de la bergère Églantine, sous qui l'herbe ne ployait pas. Elle savait en outre une ronde triste que je lui demandais de préférence et qui commençait ainsi. En revenant des noces, j'étais bien fatigué. Au bord d'une fontaine, je me suis reposé. J'aimais surtout ce passage qui me touchait. Chante, Rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, car moi, je ne l'ai guère, mon ami m'a laissé. Une poule que les autres battaient errait librement dans le jardin. L'odeur des fruits coupés l'attirait près de nous, mais elle n'osait s'avancer jusqu'au tas d'épluchures et nous regardait avec méfiance, et de chacun de ses yeux, tour à tour, en paraissant se parler à soi-même. Je lui jetais quelques pelures qui l'effrayaient d'abord, puis qu'elle revenait prendre et cogner sur le sol d'un bec dur. La chanson continuait. Mon ami m'a laissé pour une simple rose que je lui refusais. Les vendanges prochaines peuplaient la campagne de cheminots qui cherchaient à se louer comme coupeurs. Il en venait jusqu'à la maison. En nous voyant dans le jardin, il s'arrêtait à la grille pour demander à être engagé. Seconde les jugeait d'un œil prompt et secouait la tête, affirmant que la troupe était au complet. Elle disait vrai, car chaque année, les mêmes gens à peu près venaient aider à recueillir la récolte. Quelquefois, les cheminots et conduits sollicitaient l'aumône de petits sous ou de fruits que je leur portais, avec la curiosité d'approcher leur misère. Je les regardais s'en aller, leurs pieds traînaient dans le sentier pierreux, et je me disais que leurs besaces étaient peut-être gonflées de feuilles mortes, qu'ils allaient jeter par les chemins comme une jonchée de fête pour octobre qu'ils annonçaient. Une pluie fine tombait parfois vers le soir, après une journée grise. Réfugié dans la petite salle, et souvent seul, je regardais l'ombre venir sur la cour et voiler au-delà la campagne. Quelques cris s'entendaient, la vache rentrait, entraînant son entrave. Une cloche s'éveillait et semblait peu lointaine, à cause du vent d'ouest qui en apportait les sons. Cette heure m'était chère, mais la pensée du départ proche m'y trouvait sans force et prête aux larmes, et je me tenais difficilement de les répandre, lorsque l'ombre emplissait la pièce et m'enveloppait, avant que Seconde eût apporté la lampe. Un jour se leva qui devait à jamais marquer ma vie, et dont l'aube, comme de coutume, vint m'éveiller avec douceur. Je sortis tôt, ayant hâte de vivre tout entière chacune des journées qui me restaient. Je passai de l'enclos dans la prairie et vis les volets fermés chez mon père, mais, par la fenêtre voisine, Entr'ouverte, j'aperçus ma mère qui se peignait. Je l'appelai à mi-voix, elle me sourit, un doigt sur ses lèvres, en me faisant signe de rentrer au jardin. Mon père devait dormir. Un grand calme semblait lui être venu depuis une semaine. Une sereine indifférence à tout ce qui autrefois l'excédait. Il avait repris sa place à notre table et, s'il y demeurait silencieux, du moins pouvais-je mieux être moi-même sans l'en voir irrité. Il vivait de notre vie, ne sortait plus qu'à peine, se couchait comme nous et pour la nuit entière, sans toucher au piano qui ne mêlait plus d'harmonie à mes rêves. Ma mère, cependant, ne le quittait point. La veille, il était descendu avec elle au jardin comme je lisais sous un arbre, et passant derrière moi, il s'était penché sur mon livre en me caressant les cheveux. Le soir, il s'était assis près de nous, devant la porte, et, au moment des adieux, m'avait doucement attiré contre lui comme s'il eût voulu m'embrasser. Je pensais à toutes ces choses pour m'en réjouir lorsque je vis à mes pieds dans l'allée un oiseau palpitant, aux sombres ailes étendues. Je le pris dans mes mains qu'il se mit à pincer de ses courtes pattes griffues, tandis que son œil dilaté me fixait. C'était un martinet. Tombé sur le sol, il ne pouvait y reprendre l'élan nécessaire à voler. Je rentrai montrer ma capture. Ma mère, qui était descendue, cousait près de ma tante en costume de matin, attendant que le moindre bruit l'avertît du réveil de mon père. Je m'amusai de l'oiseau, tentant de le nourrir avec des mouches que son bec se refusait à saisir. Ses ailes, qu'il ne voulait pas replier, s'ouvraient comme deux faux d'acier bruni sur la table et tout le corps, de la queue à la tête plate, luisait d'un azur endeuillé. Bien du temps s'écoula sans doute. Ma mère s'oubliait dans son travail comme moi-même dans ma contemplation silencieuse. La pendule sonna la demi de 9 heures sans qu'un seul bruit fût venu de l'étage. Ma mère, que l'inquiétude assaillit, jugea bon de monter. Elle prit l'escalier de service qui retentit presque aussitôt de sa descente précipitée. En la revoyant, je sentis s'imprimer dans chacun de mes traits l'angoisse qui chargeait les siens. Elle n'avait pas trouvé mon père dans sa chambre. Elle pria vivement Segonde de regarder au jardin. Elle-même fit quelques pas vers la cuisine où s'ouvrait le bûcher et la route des communs, mais, comme frappée d'une inspiration subite, elle traversa la salle à manger et tira la porte du vestibule où elle s'avança. Nous entendîmes ses pas sur les dalles. Elle dut aller jusqu'à la cage de l'escalier. La rauque exclamation qui rompit alors le silence m'emplit d'horreur et fit se dresser ma tante. La femme qui reparut n'avait plus rien de ma mère. Une voix que je ne reconnus pas balbutiait « Un couteau, des hommes, qu'on appelle !» Segonde qui rentrait se précipita. Ma tante ouvrit la fenêtre, atteignit la chaîne de la cloche qu'elle ébranla de façon désordonnée et fit signe de ses bras levés. Justin le premier sauta dans la pièce et la suivit dans le couloir dont la porte fut refermée. Je demeurai seul et tremblant, écoutant venir du corridor sonore des ordres brefs à mi-voix, des exclamations contenues, les pas lourds, le halètement d'un homme qui monte marche à marche sous un fardeau. Je ne revis mon père qu'à la lueur du cierge allumé près du lit où il reposait, dans la chambre de ma mère. Son visage était détendu et souriait, et semblait goûter une paix infinie. Ma mère fondait en larmes à son chevet, et je me sentis moi-même étouffé par les sanglots. Frappée de désespoir, elle s'accablait de reproches et déplorait d'être descendue un instant près de nous. Ma tante, bien vainement, tentait de raisonner notre peine, et s'abandonnait aux pleurs au milieu de ses exhortations. En peu de temps, la maison se trouva pleine de monde. Maria et ses filles occupaient la cuisine, où Segonde se lamentait et répétait sans fin des recommandations qu'elle interrompait à mon arrivée, pour s'apitoyer muettement sur moi. Des gens entraient qu'on faisait monter sans rien dire. Mademoiselle Aurélie parut, et sa vue accrut les pleurs de ma tante, qui la tint embrassée. Ma mère, qui adjurait qu'on la laissât en paix, devait à chaque instant se laisser prendre les mains ou baiser les joues. Elle se tut enfin comme résignée à ce supplice nouveau. Les gens s'asseyaient en cercle, mais, pour peu qu'il cessât d'en venir, elle recommençait de se blâmer à voix haute et de s'adresser à mon père comme s'il eût été vivant. Monsieur le curé et le médecin étaient arrivés des premiers et ensemble, et ma tante avait dû longuement conférer avec eux dans la chambre mortuaire. Vers le soir, la veillée s'organisa. Ma mère refusa de prendre du repos et ma tante de la laisser seule. Mademoiselle Aurélie demeura, et encore une personne amie. Pour moi, je n'aurais nulle part pu me sentir tranquille, et je suppliais qu'on ne m'éloignât pas. Il en alla de même la nuit suivante, où ma mère ne voulut rien entendre pour céder sa place à qui que ce fût. Elle paraissait plus calme, mais par instant, comme remise en face de la réalité, elle se cachait la face avec de grands efforts stériles pour pleurer. Ma tante, brisée d'émotion, dut regagner sa chambre. Segonde et Maria demeurèrent, leur chapelet à la main, l'air de religieuses sous leur foulard noir, avec leur figure sèche, que le cierge éclairait d'un seul côté. Le grand silence du dehors pénétrait la chambre où de sourds craquements parfois le troublaient. Je retenais mon souffle dans le fol espoir que mon père allait gémir, s'agiter, appeler. Il me semblait voir remuer sa face quand j'osais la fixer. J'étais déchiré de remords. Je m'accusais de ne l'avoir pas assez aimé, de m'être montré sottement craintif devant lui, et le sentiment que j'éprouvais de ne plus pouvoir racheter ma faute me désespérait. On m'avait placé dans l'ombre, au fond d'un fauteuil. Le sommeil vint m'y prendre, à minuit. Quand je m'éveillais, une aube glacée entrait par le haut de la fenêtre. Les servantes dormaient, ma mère, les yeux grands ouverts, semblait absente. La face renversée du cadavre avait horriblement changé. Lorsqu'au lendemain des funèbres cérémonies, nous tentâmes de reprendre la vie accoutumée, un grand accablement nous saisit. Ma mère demeurait des heures en une sorte de langueur où d'affreux songes l'empêchaient de goûter le repos. Pour rien au monde, je n'aurais consenti à garder ma chambre éloignée. Dès le premier soir, je repris le cabinet qui touchait à la sienne. Elle parut insensible à mon retour près d'elle, et, comme je voulais l'embrasser, elle me repoussa d'un geste où je crus retrouver l'impatience de mon père, et dont je restais bien peiné. On ne parlait plus qu'à mi-voix. Ma tante, qui se faisait maternelle, entourait de soins la nostalgie où s'enfermait ma mère. Seconde, silencieusement, se multipliait. Cependant, l'heure des vendanges était venue, et rien ne les pouvant retarder, l'animation qu'elles suscitèrent autour de la demeure pénétra jusqu'à nous pour nous ramener à la vie. À tout moment, Gentil ou Justin avaient affaire avec ma tante. Ils entraient dans la petite salle, leur béret à la main, l'air confus de troubler notre retraite, mais fort de la nécessité qui les amenait. Et ma mère, seule quelquefois, se trouvait obligée de leur répondre et de prendre part à l'universelle activité. Elle comprit son devoir en voyant faiblir ma tante, que les récents événements avaient épuisée. Elle se mit alors à la seconder raisonnablement, mais l'austérité de son visage révélait que son cœur n'avait nulle part à la besogne et se gardait tout entier au souvenir. Rentrée dans notre appartement, dès la fin du dîner, je la voyais s'agenouiller et répandre librement les larmes tout le jour contenues. Du réfectoire des vendangeurs venait le bruit d'une agitation joyeuse qu'on ne pouvait interdire à leurs troupes vers la fin du repas. Je souffrais de les entendre et de ce que cette lointaine gaieté osa se mêler à notre deuil. Ma mère n'en paraissait même pas troublée et demeurait si longtemps absorbée dans la prière et la douleur qu'elle en oubliait mon existence et me laissait m'endormir sans son baiser. Avec le sentiment que j'eus alors de son indifférence et la preuve que j'y crus voir d'un complet détachement, une grande résignation pénétra mon âme. Je considérais d'un cœur égal la fuite des jours et ne sus plus s'il m'eût été préférable de rester ou de partir. Le malheur qui avait frappé ma vie, les vêtements noirs qui en témoignaient, me faisait une solitude à travers quoi rien ne pouvait m'atteindre et que les railleries ne devaient plus franchir. Je ne redoutais rien des contacts dont j'avais craint de souffrir encore. Je sentais en moi assez de tristesse pour que toute réalité s'y abîmât. Je ne songeais plus à rien solliciter de ma mère, et le jour où ma tante lui rappela la nécessité de revoir mon trousseau de pensionnaire, je demeurai à lire auprès d'elle sans qu'une parole s'élevât entre nous sur ma répugnance à rentrer au collège. Cependant, l'échéance des congés approchait et je pouvais compter les heures qui me séparaient de l'instant où j'allais connaître leur fin. Le dernier jour ne parut pas sans entamer mon apparente fermeté d'âme. Le soleil toucha ma fenêtre au réveil et deux de ses rayons entrés par les losanges des volets descendirent jusqu'à ma couche qu'ils désignèrent dans l'ombre. Je m'attardais au lit, me pénétrant de l'idée douloureuse que, Le lendemain, un appel matinal m'en tirerait. Quelques heures restaient à peine. Je souhaitais que les rayons appuyés sur mon lit fussent les montants d'une échelle immense, par où j'aurais pu m'évader. L'idée d'une fuite ne m'était pas encore venue. Je m'y arrêtais un instant. Mais où aller? Et tout seul? D'ailleurs, le bonheur que j'enviais ne se séparait pas d'un refuge, d'heures paisibles sous des ombrages. J'aimais la grangère. Mon souhait se fut borné à n'en pas sortir. Je me décidai à pousser les volets. Les champs baignés d'azur m'apparurent. Quelques vapeurs traînaient encore. Je distinguais au loin dans les vignes, de l'autre côté de la route, des points colorés et mouvants qui étaient des vendangeurs. Il faisait frais. Un peu de vent me porta leur rire. Je pensais que pour la dernière fois, je jouissais de la liberté du réveil, de ce bain de soleil et d'air pur, de l'étendue des paysages. J'aurais voulu embrasser toutes ces choses, et je trouvais, au fond de mon cœur, la plus ardente prière pour que Dieu fît le miracle de m'éviter le départ. Mais, dans le temps que je m'exaltais, je sentais la puérilité de mes vœux, et la certitude que ce jour marquait la fin de mes quotidiennes rêveries m'agita d'une grande hâte à le vivre tout entier. Je descendis au jardin où je m'employais à ramasser des feuilles mortes, qu'à l'aide du râteau, je chargeais dans une brouette pour les porter au potager. Lorsque j'eus fini de les amonceler, je mis le feu à ce bûcher d'automne. Une vapeur blanche s'éleva en enveloppant la flamme, puis celle-ci s'affaissa et brûla en dedans de la meule, révélée seulement par un filet de fumée qui continua de monter. On eût dit le jardin balayé. Quelques fleurs y demeuraient encore, roses que les nuits fraîches empêchaient de s'ouvrir, longs hélianthèmes qui oscillaient sous le poids de leurs têtes rayonnantes. En les cueillant, je trouvai entre les feuilles un ruban que je reconnus avoir appartenu à Zoé. Elle en laissait pendre souvent de ses poches trop emplies, et nous avions vainement cherché celui-là. Il me rendit présente mon amie. En le roulant sur mes doigts, je pensais tristement à elle, qui ne savait rien de mon malheur. La chanson de seconde me revint en mémoire. Je voudrais que la rose fût encore au rosier. Voyez, et que le rosier même fût encore à planter. Fut encore à planter. Puis, du ruban trouvé, je liai la gerbe que je destinais en offrande à la muse parce que Zoé aimait lui faire visite, l'appelait la dame et ne l'approchait qu'avec un grand respect. La vielleuse eut aussi quelques corolles. Le lierre fleuri sur le mur bas retenait l'affairement des abeilles et répandait alentour une fade senteur. Je fis une distribution d'escargots aux poules et j'y ajoutai des raisins qu'elles se disputèrent goulûment. Je me rendis ensuite dans la cour. Maria y puisait de l'eau. Je prétendis l'aider à rapporter sa cruche. Elle me laissa faire en souriant. Elle préparait le repas de sa famille et se mit à tailler la soupe. Elle appuyait contre sa poitrine la miche épaisse qu'elle entourait d'un bras, tandis que sa main, armée d'un couteau, y enlevait de minces tranches. L'eau bouillait dans une marmite suspendue au fond de l'âtre. J'eus tout à coup l'envie de goûter à cette cuisine paysanne et décidai Maria à m'emplir une assiette de la soupe qu'elle venait de tremper. Je la mangeai du meilleur cœur, tandis qu'elle me regardait avec une commisération feinte pour mon air affamé. En revanche, je ne fis guère honneur au déjeuner de ma tante, où l'on dut mettre mon abstinence sur le compte de la tristesse, car personne n'insista, comme on avait accoutumé de le faire, pour me pousser à manger. À ce moment, je m'attendris si fort en moi-même que, de nouveau, le désir me vint de supplier ma mère et d'emporter son consentement à ce que je brûlais d'obtenir. Mais je me persuadais que l'instant du dessert serait plus propice. J'attendis. Le dessert passa sans que je me décidasse. Je me fixais comme limite l'arrivée du café, mais on le but sans que j'eusse desserré les lèvres. Je me dis qu'avant peu, ma mère s'installerait à coudre et que j'aurais tout loisir de plaider ma cause. Je m'assis dans la salle à manger pour feuilleter un album, puis je m'avisai d'un moyen plus rapide de remplir le temps qui me séparait de l'entretien désiré. Je n'avais pas franchi le seuil du corridor depuis la mort de mon père, et je le fis, en frémissant. Le reflet des vitres colorées y dormait sur le dallage. Mon pas résonna, j'entrai au salon. L'ordre habituel régnait dans la pièce isolée. L'arc-en-ciel se peignait toujours à droite du miroir quand on regardait celui-ci sous un certain angle. Le portrait des hôtes demeurait réprobateur. La pendule était arrêtée. Le piano fermé me parut funèbre. Par les fenêtres entr'ouvertes, quelques feuilles mortes du catalpa avaient pénétré. Elles semblaient des cœurs jaunes et desséchés. J'en pris une, qui était encore veloutée, et je sortis. Je gravis l'escalier pour gagner mon ancienne chambre que j'eusse aimé revoir, mais je la trouvais fermée et je m'en allais, désappointée. En passant devant la fenêtre qui éclairait le palier, je m'arrêtai pour considérer la plaine que baignait une douce lumière. Comme je regardais à travers le feuillage éclairci des marronniers, la voix de ma mère, qui causait avec ma tante, me parvint. J'écoutais. Ma mère disait avoir achevé la veille la révision de mon trousseau. « Rien n'y manquait, disait-elle. Elle ajouta, « Dieu merci, le tout peut encore servir cette année, bien que le petit use beaucoup. » Ma tante dit, « Sais-tu qu'il a bien de la peine à te laisser ?»« J'en ai aussi de le voir partir, » répondit ma mère. « Il me faudra lui cacher mes larmes, » elle reprit. « Plus tard, il comprendra que j'aurais aimé le garder près de moi. Lui, présent, je serai plus sûre de ma force. » « J'ai connu plus complètement que toi la solitude, » fit ma tante. « Et tu vois, j'ai vécu. Il faut prier. » Ma mère dit, « Je prie, mais Dieu m'a bien frappé. Garde-lui ta confiance, » continua ma tante, « et mets ton espoir en l'enfant qu'il te laisse. » « Il est, » déclara ma mère, « tout ce qui me rattache à la vie, et tout mon avenir repose en lui. » Je n'entendis plus rien que le vent dans les branches. D'ailleurs, je n'en écoutais pas davantage. Ma mère pleurerait mon absence et ne vivait plus que pour moi. Ce fut comme si moi-même je me reprenais à vivre. Je compris que ma lourde peine des derniers jours me venait surtout d'avoir cru à son indifférence et que ma présence et mon affection ne lui étaient de rien. Je descendis m'asseoir près d'elle sur la chaise basse. Je n'éprouvais plus le désir d'échapper à la rentrée. J'essayais de me dire que le lendemain, rien de tout ce que j'aimais ne serait plus autour de moi. Mais un grand courage me soutenait, et j'acceptais toute la vie. Les yeux de ma mère s'abaissèrent sur les miens qui se tournaient vers elle. De sa main, elle toucha ma joue en essayant de me sourire. Tout mon cœur s'offrit à elle, dans mes regards. Seconde passait, portant un chaudron qu'elle se mit à fourbir avec de la terre. Le bruit qu'elle produisit excita le caquetage des poules. L'odeur des feuilles brûlées venait du potager où le tas fumait encore. Ma mère reprit l'aiguille et je poursuivis ma lecture. Ainsi passa le jour dans une suite d'instants rapides que je n'osais plus souhaiter retenir. Le vent fraîchit, ma tante voulut rentrer, ma mère la suivit. Je demeurai seule dans la lumière des crues, sous les arbres dont les feuilles tombaient de nouveau. Je fis encore une fois le tour des massifs. Je revis les statuettes amies que mes fleurs mourantes attristaient. Pour un peu, j'eusse baisé leurs robes et serré les marronniers dans mes bras. Je revins sur le banc où, de la pointe d'un couteau, j'avais gravé mon nom l'autre année. La peinture autour s'écaillait. Je m'assis. Le ciel s'incendiait d'un couchant d'automne. Les nuages épars s'empourpraient. L'odeur des feuilles brûlées devenait plus sensible avec le soir. L'hiver, secrètement, s'annonçait. Je revis les premiers temps de mon séjour à la grangère, les veillées près du feu, le livre sous la lampe, la prière en commun, toute la vie intime qui allait, sans moi, s'organiser de nouveau et que je ne retrouverais plus que de temps à autre le dimanche, avec le regret de la devoir quitter aussitôt. À ce moment, le vent poussa la petite porte de l'enclos qui s'ouvrit en gémissant. Par la baie, j'aperçus la route qui s'allongeait entre les champs plus sombres. C'était celle qu'il m'allait falloir suivre dans un temps si proche que la nuit seule m'en séparait. Mais il n'y avait plus en moi qu'un consentement docile, un immense vouloir de servir. Contre quoi se trouvait sans force le pressentiment où j'étais, que toute l'hostilité de la vie m'attendait au seuil du jardin. Fin de la section 10. Fin de L'élève Gilles d'André Lafont. Musique du site museopen.org. Licence CC BY. Ce livre audio vous est offert sous domaine public.